J'entends André qui arrive. B. Simon a les cheveux blonds. C. Tu mens, tu es méchant. D. Ce sympathique indien américain a très faim. E. Mon oncle a une nouvelle montre. F. Jacques Brel a chanté les Flamandes. G. Je n'ai trouvé aucun parfum coréen. H. Le compte est bon. I. Vous campez ensemble? J. Je lis sa synthèse sur les jardins italiens. K. Cet oiseau ressemble à un paon.